gros tu sais qu'à Pac-Man, deux choses lui tiennent à cœur. Sa bagnole de fonction et racketter les dealers. Pac-Man a poussé du doigt un frère de Best Bar, sniff arrête de coke et par choc un petit du Tchéka. Déclare la guerre une fois depuis son premier rafle, couvert par ses collègues le jour de sa première bavure. Gratte une pipe le soir sur les boulevards pour une princesse du trottoir. Il fait la guerre au Yougoslave, ça fait longtemps qu'il n'a plus la nausée chez le légiste. Pac-Man a le flashball facile, calibre visible, gyrophare bleu, le regard méchant. Il a le courage de rentrer seul dans la cité, les couilles entre les jambes. Aime la bastonnade, hooligan à 16 heures creuses. Il aime cette coupe du monde en Allemagne, dans le pays du Führer. De maison close de Francfort, au parapluie du 8ème. Il a des allures d'Alonso dans Training Day. Trois quarts cuir noir, la montre à 5 barres, tu m'as traqué là. Hein? Tu nous as couvert de bleu sous pliable. Pac-Man, c'est la loi, c'est lui qui décide, c'est lui qui prend, c'est lui qui décime. Décidément, en vouloir à mort à cet homme, c'est filer une frousse du diable à nos mômes. Quand il débarque, c'est pas l'aumône, mais plutôt les coups de crosse. C'est Pac-Man, 93 Traquenard, son alias depuis ma première peine de placard. Pac-Man, Pac-Man, Pac-Man. Y'a tellement de Schmitt qu'on dirait que le président est en ville. Pac-Man, Pac-Man, Pac-Man. Y'a tellement de Schmitt qu'on dirait que le président est en ville. Putain de haine viscérale envers les petits jeunes en deux roues. Pac-Man nous regarde mal au feu rouge. Histoire louche à l'IGS. Il déteste le GIGN. Les renforts sur les enquêtes qui ramènent le BNF. Mène une vie de solitaire. La fournaise dans la tête, mec. Redresseur de tort, de coin, très loin de la lumière. Son plat stagué sur les murs, la charne. Pac-Man est plus violent que votre système pénal. Te plaque sur les murs, te palpe, t'écarte les jambes, te pince les couilles et te serre grave les menottes. Trompe sa femme avec une lécheuse d'un signe, rien à foutre, il envoie au newf, même son indique. Peine à oublier son divorce, éduqué par un autre. En garde à vue, c'est des coups de bottin pour se décharger de ses fautes. Que corrompu, il préfère la débrouille plutôt que de rôtir tout l'été dans une voiture de patrouille. Policier, justicier, ici tout le monde sait ce qu'il fait. On connaît son mauvais penchant pour l'esprit skinhead. Ce qu'il aime mettre en avant, c'est sa violence contre les noirs. Il a assombri la vision de ma diaspora. C'est le dealer de crack, il prend plaisir à arnaquer. Vite sa peine dans le trafic comme Big Mac. Pac-Man et sa brigade de choc ne lâchent rien. Un flic véreux qui fait ce qu'il veut sur ton chemin. Et alors, ils avaient qu'à marcher droit ceux-là. Qui n'est pas content ira faire une partie de foot au placard. Et ça durant des mois, j'irai même des années, bande de bâtards va. Moi je nettoie la vermine ici, ok. C'est qui la loi? C'est toi Pac-Man, c'est toi. Bien sûr que c'est moi ma gueule, bien sûr. Moi je suis comme vous, je vous baisse, ok. C'est moi la justice, c'est moi qui décide ce que vous avez à faire, ok. Allez, casse-toi. Pac-Man, Pac-Man, Pac-Man. Y'a tellement de Schmitt qu'on dirait que le président est en ville. Pac-Man, Pac-Man, Pac-Man. Y'a tellement de Schmitt qu'on dirait que le président est en ville. Pac-Man, y'a tellement de Schmitt qu'on dirait que le président est en ville. Y'a tellement de Schmitt qu'on dirait que le président est en ville.